Stephen King aime les balles de promo, Stephen King aime la télékinésie, Stephen King a écrit Carrie et Brian De Palma l'a adapté. Bonjour à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis toujours avec Chris, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, et toi? Très bien, content de parler de ce film, car aujourd'hui nous allons parler de la première adaptation de Stephen King à l'écran, aussi l'adaptation de son premier roman, Carrie. Le roman est sorti en 1974 en anglais, en 1976 en français, et le film date de 1976 et dure 98 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de temps entre la publication du roman et la sortie et l'adaptation en film. Je préviens encore une fois, ce sera le cas pour tous les épisodes, mais autant le dire, il y aura des spoilers dans cette chronique, puisque nous te parlerons à la fois de la fin du livre et du film, afin de développer nos avis et notre analyse, analyse avec des guillemets. C'est le principe même de l'émission. Voilà, donc si vous ne voulez pas qu'on vous dévoile la fin de Carrie, si vous ne l'avez ni lu ni vu, passez votre chemin, mais n'oubliez pas de venir nous réécouter après. Ah oui, surtout. Est-ce que tu es prêt? On peut y aller. Très bien, c'est parti. Carrie, donc, nous raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui, un jour, a ses premières règles alors qu'elle est dans les douches des vestiaires communs du gymnase de son école. Et comme sa mère est une sorte d'extrémiste religieuse, elle ne lui a jamais expliqué ce qu'étaient les règles, ce qui terrifie Carrie et provoque les moqueries de tous ses camarades. Mais c'est aussi à cette occasion que Carrie, stigmatisée par tous ses camarades et tenue à l'écart, va découvrir qu'elle a des pouvoirs télékinésiques, qu'elle peut déplacer les objets. Elle va découvrir peu à peu quelle est l'étendue de ses pouvoirs et qu'elle va commencer à s'affirmer de plus en plus, sachant qu'en parallèle, le bal de fin d'année approche et qu'une de ses camarades, honteuse de s'être moquée d'elle, demande à son petit ami d'amener Carrie au bal pour lui offrir un moment de gloire. Mais une autre camarade jalouse va faire en sorte que ce bal dégénère, que Carrie soit humiliée publiquement, et ça va provoquer la colère meurtrière de Carrie qui va détruire tout son lycée, toute la ville et sa mère. Voilà. Alors Carrie, c'est en réalité le quatrième roman qu'a écrit King, puisqu'il avait déjà rédigé Rage, Running Man et Marche ou Crève avant, mais ce sont des livres qui n'ont été publiés que plus tard, sous pseudonyme d'ailleurs, sous le nom de Richard Bachman. C'est ça. Quand il commence à travailler sur Carrie, King était dans une situation économique assez difficile. Il avait un boulot de prof qui payait relativement mal, il travaillait un peu aussi pendant l'été dans une blanchisserie, je crois. Et il arrivait à vendre quelques nouvelles par-ci par-là dans des magazines style Playboy, mais ça payait pas très bien. Et comme il avait déjà deux enfants, c'était une situation économique assez difficile à tenir. Il n'était pas l'auteur reconnu qu'il est maintenant, donc forcément ses nouvelles se vendaient pas à des sommes... Ouais, c'est ça. Et puis c'était dans des magazines, c'était pas des trucs qui pouvaient payer beaucoup. Et surtout, il y avait une fatigue qui s'accumulait entre le boulot de prof et le fait d'écrire les soirs et de s'occuper des enfants, donc c'était Joe Hill et Naomi King. Deux idées sont à l'origine de Carrie, deux idées principales en tout cas. La première, c'est qu'il avait lu un article sur la télékinésie dans le magazine Life qui disait que ce serait possible, entre autres chez les jeunes filles au moment de leurs premières règles, donc on imagine un article hautement scientifique, hein, évidemment. Le Gourafi de l'époque, sans doute. Probablement, c'est ça. Et il y avait aussi cette idée qu'il avait eue en lavant un vestiaire pour filles, à savoir d'une jeune fille qui aurait ses règles sous la douche. Il savait pas quoi en faire, c'est vraiment quand il y a eu la confrontation des deux idées qu'il a trouvé les prémices de Carrie, la première scène, le départ de Carrie. En interview, il a aussi dit une fois qu'il était vexé à l'époque qu'on lui dise régulièrement que ses nouvelles avaient tendance à être sexistes. Bon. Ce qui n'est pas vraiment par la un suite, tort, hein. Ouais, et puis par la suite, effectivement, il a reconnu que c'était vrai et que Carrie, même, était un roman qu'on pouvait percevoir de manière assez sexiste. J'en reparle un peu plus tard. Globalement, les personnages féminins de King sont pas des personnages très forts. Oui. Encore c'est... aujourd'hui, je veux dire. Aujourd'hui, ça a pas mal y a changé, que ce soit avec C'est Sleeping... pas un auteur exemplaire de ce côté-là. Non, c'est pas un auteur exemplaire, mais il y a quand même Sleeping Beauties et surtout la trilogie Bill Hodge et L'Outsider avec Holly qui font évoluer un peu ça, quand même. Mais effectivement, pendant longtemps, on n'a pas eu de personnage féminin fort chez King, mis à part sa trilogie des femmes battues. Donc, dans un premier temps, il va rédiger 3 pages de Carrie, mais il va les jeter immédiatement, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il se sentait pas impliqué émotionnellement dans le récit. La deuxième, c'est qu'il n'aimait pas son héroïne. La troisième, c'est qu'il se sentait mal à l'aise avec le sujet, vu que ça touchait intégralement aux femmes, il se sentait pas à sa place pour parler de ça. Et la dernière, c'est que ça s'annonçait trop long pour une nouvelle qui soit publiable dans les magazines qu'il contactait habituellement, et qu'il voyait pas l'intérêt de perdre du temps à travailler là-dessus si c'était certain que ça ne lui rapporterait rien. Trop long pour une nouvelle et trop court pour un roman. À l'époque, trop court pour un roman, il le savait pas forcément. Mais il envisageait pas vraiment de publier un roman, vu qu'il avait eu déjà des manuscrits de refusés. Il était peut-être aussi un peu blasé de ce côté-là. Mais c'est grâce à Tabitha King, sa femme, que Carrie va se faire, puisqu'elle va récupérer le brouillon qu'il avait jeté à la poubelle. C'était l'anecdote que je racontais dans je ne sais plus quel épisode. Je crois que c'était en celui sur cimetière. Possible. Donc elle va récupérer le brouillon à la poubelle et l'inciter à poursuivre, et c'est pour ça que le livre lui est dédié d'ailleurs. Finalement, King doit sa carrière à sa femme. C'est ça. Il s'est aussi pas mal inspiré de propres expériences qu'il a vécues, et surtout de 2 filles qui étaient bouc émissaires à l'époque où il était lui-même au lycée, dont une qui apparemment avait un Christ immense chez elle, donc clairement l'inspiration est très marquée, et elles étaient toutes deux mortes à l'époque où il écrivait, dont une c'était parce qu'elle s'était suicidée, donc il y avait peut-être un peu de culpabilité de sa part aussi derrière, et une manière d'exorciser ça en écrivant Carrie. La joie. Oui, c'est ça. On aura souvent des anecdotes joyeuses en parlant de la genèse des romans de King. Il avoue qu'il s'est jamais attaché au personnage de Carrie pendant toute l'écriture, il a pas réussi, mais il a fini par avoir une forme d'empathie pour elle, par au moins la comprendre, et aussi pour ses camarades, vu qu'il avait été à leur place, et c'est vrai qu'on sent parfois qu'il l'excuse plus ou moins, ou quoi du moins, il comprend les personnages autour de Carrie. Certains personnages, oui, sont beaucoup plus pardonnables que d'autres. Voilà. Une fois son manuscrit terminé, il obtenait un livre d'une longueur un peu bâtarde, puisque c'était clairement trop court pour être un roman, mais aussi beaucoup trop long pour être une nouvelle, et c'est pour ça qu'il va prendre la décision de rajouter la forme épistolaire, avec les extraits d'articles, de journaux, de revues scientifiques et de bouquins, afin de rallonger le livre, et il trouvait que ça donnait aussi un côté plus réaliste à l'ensemble, ça rajoutait une crédibilité. Il envoie le manuscrit à Doubleday, où il s'est fait un ami, l'éditeur William Thompson, qui est plutôt un bon éditeur, vu que c'est lui qui découvrira John Grisham aussi par la suite. Effectivement, oui. Un bon découvreur de talent. Oui, complètement. Au début, il avait hésité à envoyer le manuscrit, il comptait pas le faire, il l'a fait juste parce que Thompson, qui avait déjà reçu travailler sur des précédents manuscrits de King, mais avait dû les refuser à terme. Donc Thompson lui avait envoyé une lettre pour demander des nouvelles, et comme King avait Carrie sous la main, il lui a envoyé au passage. Limite, plus par politesse qu'autre chose, limite. Oui, c'est ça, sans trop y croire. Et Thompson a beaucoup aimé le manuscrit et s'est dit que ça pouvait être un premier roman qui marche, et a donc décidé de travailler avec King sur l'édition, sur le travail éditorial. Ils ont eu le nez creux. Oui. Apparemment, dans un premier temps, il y a eu besoin de pas mal de corrections, vu que d'après une interview de Bill Thompson, dans le manuscrit original, à la fin, Carrie devenait géante et lançait des rayons laser qui détruisaient des avions avec ses doigts. Ah oui. D'après une interview de Bill Thompson, en tout cas, oui. Donc bon, gros travail éditorial sur ce bouquin-là. Effectivement, oui. Et il finit par vendre le manuscrit au début de l'année 1973 avec une avance de 2 500 $, ce qui n'est que très peu d'argent. Et quand... Quand même en perspective, allez, avec l'époque. Hein. Même pour l'époque, apparemment, ça reste peu. Mm. C'est compréhensible, mais ça reste peu. Mais bon, vu ce qu'il gagnait, je crois, 6 500 $ par an avec son boulot de prof, donc ça représentait quand même une grosse respiration pour lui. Puis après, c'est un tout nouvel auteur, donc il pouvait pas prétendre à plus, quoi. Ouais. Apparemment, ça a servi à réparer sa voiture. Alors. Ah. King raconte dans Écriture, Mémoire d'un métier, que le soir où il a vendu les droits, quand il discutait avec sa femme, quand il faisait un peu des plans sur la comète, King disait qu'il serait possible que les droits de l'édition poche se vendent entre 10 et 60 000 dollars, ce qui, à ses yeux, était une somme monumentale, dont il n'aurait empoché que la moitié, parce que le deal avec Doubleday était que s'il y avait une édition poche, les droits étaient répartis moitié-moitié entre l'éditeur et l'auteur. C'est un bon deal. Ce qui n'est pas un mauvais deal, mais je pense que ces deals d'aujourd'hui sont bien meilleurs à ce niveau-là. Parce qu'il a reconnu. Oui, c'est ça. Et c'est finalement l'éditeur Signet Book qui va acheter les droits de Carrie en poche en mai 1973, donc alors qu'il n'était même pas publié en grand format, pour la modique somme de 400 000 dollars. Donc c'est une somme monumentale, ce qui a étonné même l'éditeur à l'époque. Donc c'est sorti en grand format au début de l'année 1974, puis en format poche en 1975. Donc voilà, ça a été acheté pour 400 000 dollars parce que l'éditeur poche voulait se le réserver, avant même que quelqu'un d'autre le voit. La version cartonnée se vend à 14 000 exemplaires, ce qui est déjà plutôt pas mal pour un premier livre, puis plus d'un million pour la version poche, ce qui a probablement été aidé par le fait que le film avait déjà été annoncé et était déjà en cours de production à l'époque, ce qui a probablement généré une hype autour du livre. Parce que du coup, le format poche est sorti un an avant la sortie du film. Oui, c'est ça. 75 pour le format poche et 76 pour le film. Le livre est plutôt bien accueilli par la critique à sa sortie, il y en a plusieurs qui parlent d'une nouvelle façon de faire de l'horreur et d'un auteur à suivre. Il y a certaines critiques qui, effectivement, lui reprochent d'être passablement misogyne, ce que King reconnaîtra dans une interview qu'il donne à Playboy en 1983, dans laquelle il revient pas mal sur cette question. Et dans Anatomie de l'horreur, il admet que Carrie peut à la fois être vue comme un livre sur l'échec d'une révolte sociale, donc Carrie qui essaie de s'élever au-dessus de sa condition mais qui n'y arrive pas, que comme un livre sur la peur d'un homme qui, face à la montée du féminisme, qui serait symbolisé par Carrie qui a ses premières règles, donc qui dévoile sa féminité et qui découvre son pouvoir au passage. On va donner une petite citation d'Anatomie de l'horreur. Carrie s'intéresse à la façon dont les femmes apprennent à exercer leur pouvoir et à la peur que la femme et sa sexualité éveillent chez les hommes. En d'autres termes, quand j'ai écrit ce bouquin en 1973, j'avais pleinement conscience de ce qu'impliquait la MLF pour les représentants de mon sexe. MLF, c'est Mouvement de Libération des Femmes. Donc voilà, sur la genèse du roman, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu penses de ce livre, Chris ? Alors, Carrie, c'est indéniablement un bon roman. Ça se sent que c'est un premier roman. C'est-à-dire que King n'a pas encore tout à fait la patte King, qu'on abordera avec beaucoup plus de facilité dans le prochain film qu'on va aborder, donc au prochain épisode. Ouais. C'est-à-dire que il n'y a pas encore cette caractérisation des personnages qui fait la force de l'écriture de King. Bah, on sent que c'est écrit comme il écrivait ses premières nouvelles et ses premiers romans d'ailleurs, les Batman. Il y a quelque chose de très direct en fait, faut que ça aille droit au but, et donc effectivement ça prend pas le temps de s'attarder sur les émotions et sur les pensées des personnages, ce qui fera au contraire énormément par la suite. On sent que c'était clairement pensé pour être une nouvelle à la base, non pas un roman. Ouais, il voulait faire court, peut-être qu'il avait l'espoir de quand même réussir à le publier dans Playboy en 2-3 épisodes. Mais en dehors de ça, la narration est déjà là, le pouvoir de King dans les descriptions est aussi déjà là. Et il avait déjà à l'époque ce talent pour faire monter la pression. Oui, et puis je trouve qu'au niveau de la manière dont l'histoire est racontée, c'est vraiment respectable pour un premier roman. Clairement. Ça tient vraiment debout. À la limite, je trouve que dans ces romans futurs, il y en a qui, strictement au niveau de l'intrigue, sont moins solides que Carrie. Ah oui, clairement. Là, vraiment, le gros point qui manque au style King dans Carrie, c'est la caractérisation des personnages. Oui. C'est le seul truc vraiment qui manque. Après, il y a déjà un truc qui reviendra énormément chez lui par la suite, c'est qu'il y a pas mal de personnages au début éparpillés avec pas mal de points de vue différents qui se réuniront par la suite. Voilà. Et ça, c'est très présent chez King d'avoir beaucoup de persos qui finalement se sont réunis tous ensemble dans l'acte final. C'est ça. Donc là, c'est à l'échelle d'un lycée, mais c'est un peu la même mécanique qu'on pourra avoir dans Salem ou Bazar, dans les livres où il met toute une ville. C'est ça, tu passes à l'échelle d'une ville. Voilà. Pour en revenir au côté épistolaire, à l'insertion d'interviews, d'extraits de livres pour revenir sur ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est totalement absent du film, et c'est quelque chose qui pourtant amène pas mal de choses dans le roman. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cet aspect documentation en plus, parce que ça renforce le réalisme dans lequel essaye de nous plonger King. Oui, alors j'aime bien le réalisme que ça apporte, par contre je trouve que c'est aussi un peu ça qui est responsable de la froideur de l'ensemble, parce que finalement on voit tout avec d'un point de vue presque clinique en fait, c'est une étude, et même les passages à la narration plus classique, on sait que c'est une forme d'enquête, et donc je trouve que ça crée une distanciation avec le récit. Après effectivement ça amène du réalisme, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt original on va dire. Alors c'est pas original. Ça te dérangerait peut-être si c'était... peut-être incrusté de manière moins aléatoire, parce que des fois c'est vrai que les extraits ou les interviews ou d'autres ouvrages sur l'événement Carrie arrivent de manière un petit peu brute. Oui, et puis c'est peut-être aussi que même les passages narratifs, comme je l'ai dit, sont encore un peu froids, donc oui. Ça renforce encore ce petit défaut, on va dire. Mais après, ça me dérange, c'est un bien grand mot. Mais on sent dans l'écriture et dans les passages qui impliquent Carrie que lui-même, effectivement, le personnage de Carrie, il l'apprécie pas plus que ça. Ouais, bah d'ailleurs on n'est pas si souvent que ça de son point de vue, hein. On verra plus tard que la scène essentielle, enfin les deux scènes essentielles, que ce soit le bal ou le moment où Carrie a ses premières règles, ce sont des scènes qui sont vues du point de vue d'autres personnages. Oui, c'est ça, en fait, très souvent, quand on a Carrie dans une scène, c'est pour mettre en perspective le point de vue de l'histoire par rapport à un autre personnage. Donc la prof de sport, Su, Chris. Sa mère, forcément, ouais. La mère de Carrie. Et voilà, c'est surtout pour mettre en avant d'autres personnages plus que Carrie elle-même. Mais au final, oui, c'est un livre que j'aime vraiment bien. Et surtout, il reste plein de scènes très fortes qui fonctionnent bien. Le début et la fin, le bal, fonctionnent super bien déjà dans le livre. Et toutes les scènes avec la mère sont très efficaces aussi, je trouve. La scène aussi que De Palma a aussi repris dans le film, où ils vont égorger les cochons. Oui. Pour faire le piège, fonctionne bien aussi dans le roman. Mais oui, il y a des scènes très fortes dans le roman, même dans les passages récits, extraits d'ouvrages, interviews. Il y a le passage où on nous raconte les pierres qui s'abattent sur la maison, le passage avec la voisine qui prend un bain de soleil dehors et où elle voit la petite Carrie qui était toute mignonne et la mère affolée. Il y a des passages très forts, même dans les moments épistolaires, en fait. Oui. Qui vraiment apporte une profondeur, surtout encore une fois à la mère, et à la folie de la mère, à la folie religieuse de la mère. Oui, donc vraiment c'est un bon livre. King fera mieux par la suite, ça a des défauts, mais en tant que premier roman, je trouve ça extrêmement respectable et en fait assez impressionnant. Totalement. Moi j'en ai fini avec le livre, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Je pense qu'on peut attaquer le film et comme ça on pourra faire des parallèles plus facilement. Donc, passons au film. Passons alors. Au film de De Palma. C'est la grande soirée qui clôture l'année scolaire que tout le collège a préparée dans l'enthousiasme. Tous les élèves sont là, même Carrie White. Une fille que personne n'aime. Nous regrettons beaucoup cet incident, Cassie. Je m'appelle Carrie. Et dont tout le monde se moque. La braille est partie, la braille est partie. La fille n'a complètement pas de peur. Une fille qui vit dans une maison bizarre. Avec une mère plus que bizarre. Non, maman, non ! Aide cette malheureuse pécheresse à faire le péché sous ses oripeaux trompeurs. Montre-lui qu'en se gardant pur, la malédiction du sang pouvait lui être épargnée. Une fille qui possède un étrange pouvoir. Faculté de bouger les objets par la force de la volonté. Mais ce soir, personne ne se moquera de Carrie. Si tu n'as pas de cavalier pour le bal, je peux très bien t'accompagner. Son chevalier servant est le plus beau garçon du collège. Ils essaient encore de me jouer à tour, j'en suis sûre. Elle sera couronnée reine de la promotion. Je voudrais pouvoir être certaine que vous ne cherchez pas à lui faire du mal. Pour Carrie, ce sera la réalisation d'un rêve. Pour tous les autres, cela deviendra un cauchemar. Carrie. Brian De Palma, c'est un réalisateur né en 1940 qui commence sa carrière sur des comédies régulièrement avec Robert De Niro, tout jeune à l'époque, qui commence sa carrière aussi à la même époque, à petit budget et autoproduite pour une bonne partie. Mais c'est surtout avec son film Sœur de sang qu'il va commencer à affirmer son style. Un chef-d'œuvre. Voilà, donc il va enchaîner en fait trois films, Sœur de sang, Phantom of the Paradise et Obsession, qui vont très clairement poser son style à E3. Et là, tout est dit. Ouais. Et se faire reconnaître, d'abord par la critique qui identifie le réalisateur, qui l'apprécie pas toujours, mais qui au moins reconnaît qu'il y a une patte clairement identifiable. Au moins, il n'est pas encore détesté de tout Hollywood. C'est ça. Pas encore, ça reviendra bientôt. Après, ces trois films autoproduits. Hein, son précédent film avec un studio, c'était Get to Know Your Rabbit, je crois, avec je ne sais plus quel studio, qui avait été un bide, donc les trois suivants sont autoproduits. Hollywood n'en a rien à faire de lui à l'époque. Oui, il en a rien à faire, mais il n'est pas mis au Panthéon, quoi. Enfin, il n'est pas mis à l'échafaud, plutôt. Ouais. Voilà, il oscillera toujours entre les deux, hein, de toute façon, De Palma. Des fois, il est porté au nu, des fois, il est mis au banc d'Hollywood. Je sais pas pourquoi. Sa carrière sera basée là-dessus. Le pauvre. Et le premier film qui est vraiment reconnu par les spectateurs américains, c'est Obsession, qui marche pas trop mal. Oui, en France, oui. C'était venu plus tôt, vu que Phantom of the Paradise avait fait 1 million d'entrées quand même. Il a fait un très gros carton chez nous. Ce qui est... Alors que c'est un film assez chelou quand même, donc ça m'a vraiment surpris en le découvrant, ça. Phantom of the Paradise, c'est vraiment un film expérimental, un petit peu d'auteur. Oui. C'est très particulier comme film. J'adore ce film, hein, ah c'est oui, pas c'est le souci. Genre. C'est un chef-d'œuvre, mais c'est très particulier, tu ne montres pas à n'importe qui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de relecture du Fantôme de l'Opéra sous forme de comédie musicale glam rock. Ouais. Je pense que ça résume pas trop mal. Glam rock gothique dans l'esprit. Ouais. C'est complètement perché. C'est par la suite resté un réalisateur majeur qui a toujours oscillé entre des films personnels et des films de commande, et entre des films qui marchent et des gros bides. C'est quand même le réalisateur de Mission Impossible et des Incorruptibles, et à côté de ça, il fait des Body Double, des Redacted, des Outrage, oui, qui sont des films beaucoup plus personnels, même L'Impasse. Mais il a toujours réussi à garder un style personnel, voilà, très fort, même dans ses films de commande. Mission Impossible, même... c'est un film de Brian De Palma. Il reste quand même talentueux et sa marque est inscrite même dans les films de commande. Oui, voilà. Il s'est jamais effacé, il a toujours refusé de s'effacer, je pense, De Palma. C'est pas un yes man. Ouais. Il y a quelques films un peu plus faibles, par exemple, moi je suis vraiment pas fan du Bûcher des Vanités et du Dahlia Noir. Ouais, le Dahlia Noir, il est chiant, quoi. Ouais. Il y a beaucoup trop de longueur. Mais c'est quand même un réalisateur que je trouve brillant, qui est clairement parmi mes préférés actuels, et avec un style extrêmement fort. Un style qu'on retrouve pas mal dans Carrie. Oui. On va y revenir. Donc quand il lit Carrie, c'est sur conseil d'un ami à lui, et il s'intéresse aussitôt à la possibilité d'adapter. Donc il va commencer à faire le tour des différents studios qui envisagent de l'acheter, et c'est finalement United Artists qui va produire le film sur un scénario de Lawrence D. Cohen, qui avait déjà écrit le scénario avant que De Palma débarque. En gros, les deux se sont trouvés, on va dire. Voilà. Parce que Cohen était aussi en train de démarcher de son côté pour faire produire ça. Pour un budget de 1,8 million de dollars, ce qui, même pour l'époque, n'est pas énorme, vu le projet. C'est peanuts. Alors, Lawrence D. Cohen, le scénariste, c'est pas un scénariste qui a fait énormément de choses. En fait, sa fiche IMDb est assez limitée. Mais il a régulièrement travaillé sur du King, puisqu'il a aussi participé au scénario du Ça de 1990, du feuilleton télé des Tommy Knockers, et d'un épisode de Rêve et Cauchemar. On va dire qu'il a eu du mal à retrouver le talent de Carrie. Malgré son application dès le début pour démarcher United Artists, il y a des hésitations. On hésite à confier la réalisation du film à Brian De Palma, bah justement à cause de l'échec de son précédent film de studio Get to Know Your Rabbit. Et c'est grâce à Margot Kidder, qui était actrice dans Sœur de Sang, qu'il va garder la réalisation, puisque son ancien agent, en fait, était devenu un responsable auprès de United Artists. Mmh. Donc merci Margot Kidder, qui en plus est une très bonne actrice. Oui. Les auditions de Carrie se sont tenues en même temps que celles d'un petit film appelé Star Wars. Donc il y a plusieurs acteurs, en fait, qui étaient envisagés soit sur Carrie, soit sur Star Wars. Peut-être que vous connaissez, on ne sait pas. Oui, voilà. Notamment... Amy Irving, qui était un peu envisagée en princesse Leia pendant un temps. D'accord. Et ça aurait donné une version différente, mais... Et là, je n'ai pas son nom, mais celui qui joue Tommy, le petit ami de Sue... Travolta Non, c'est le petit ami, non, c'est le petit ami de Chris, c'est l'autre. Travolta, c'est le seul. Ouais, parce que celui-là, j'avais son nom. Quand même. Non, le petit ami de Sue, donc j'ai oublié le nom de l'acteur, j'en suis désolé, avait été envisagé à un moment dans le rôle de Luke aussi. D'accord. Voilà. Du coup, Mark Hamill dans le rôle de du petit ami dessus. Pas que je sache. Pas que je sache, mais ça aurait été rigolo. Cici Spacek entend parler du film par son mari Jack Fisk, qui était directeur artistique sur ce film-là, et qui avait déjà travaillé avec De Palma justement sur Phantom of the Paradise, sur lequel Cici Spacek était assistante. À l'époque, elle avait déjà joué dans quelques films et séries télé, elle avait déjà eu un rôle important dans La Balade Sauvage de Terrence Malick. Même si son nom reste aujourd'hui relativement peu connu, elle a quand même un certain succès, elle continue à jouer régulièrement, elle a même eu un Oscar pour Nashville Lady en 1981. Oui. Elle avait eu une nomination pour Carrie. Et elle a 3 Golden Globes, donc une carrière plutôt respectable, même si un peu en marge, on va dire, des grandes productions. Et elle a de nouveau participé à une œuvre issue de l'univers de King récemment, puisqu'elle joue dans la série Castle Rock. D'accord. Et au début, De Palma était un peu réticent à l'idée de lui donner le rôle, les studios encore plus, parce qu'elle avait joué dans un film qui n'avait pas du tout marché, mais c'est en voyant ses auditions qu'elle réussit à convaincre tout le monde. De Palma propose le rôle de la mère de Carrie à Piper Laurie, qui était une actrice qui avait eu un certain succès auparavant, elle avait eu un Oscar pour son rôle dans L'Arnaqueur, 15 ans auparavant, mais justement elle avait arrêté sa carrière après ce film-là, donc ça faisait 15 ans qu'elle n'avait rien tourné à l'époque. Au début, elle hésite à accepter le rôle de la mère parce qu'elle le trouve trop cliché, et en fait, c'est son mari qui va lui expliquer que si c'est Brian De Palma qui réalise, il y aura probablement une bonne dose de second degré dans le rôle, une bonne dose d'ironie, et ça va finir par la tenter, elle va accepter le rôle. Et effectivement, elle donne un côté très excessif à son personnage qui le rend à la fois ridicule et franchement terrifiant, c'est toujours sur le fil, et ça c'est quelque chose d'assez caractéristique de Palma, d'avoir un mélange d'horreur et d'absurde qui fonctionne très bien, je trouve, dans le cas de la mère. Et Piper, malgré toutes ces années sans jouer, elle est toujours aussi extraordinaire. Ah ouais, elle est terrible. Devant une caméra, elle est... C'est en plus, elle est sublimée par la réalisation qui en fait des tonnes dans toutes les scènes où il y a mère. C'est vraiment une actrice extraordinaire. Oui. Elle suggère pas mal de choses pour son personnage, notamment la fin, quand le personnage de la mère meurt, on a presque l'impression qu'elle a un orgasme dans le film, ouais. Et ça, c'est une suggestion de Piper Laurie, qui trouvait que ça allait bien avec le côté... grandiloquent de la situation. Oui, grandiloquent de la situation, et le fait qu'elle se voit comme un martyr, comme une martyre plutôt. Et la carrière de l'actrice a pas trop mal repris suite à ça, ça lui a redonné le goût de jouer, on lui a proposé pas mal de rôles. Et elle joue même chez Argento, donc un des modèles de De Palma, puisqu'elle joue dans le film Trauma. Oui. Et elle avait aussi une nomination pour un Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire. On m'a invité au bal de la promotion. Invité au bal ? Le bal de l'école. Tout le monde y va. C'est encore un coup de ce professeur. Maman, il faut que tu comprennes que je suis pas comme toi. Tout le monde à l'école trouve que je suis bizarre. Et moi, je veux être normale. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie. Il s'appelle Tommy Ross. Il est gentil. C'est un très gentil garçon. Non. Il viendrait me chercher à la maison en voiture et il me raccompagnera à minuit. J'ai accepté, non, maman. Non, je ne peux plus dire non maintenant. J'ai accepté. Il est dans ton placard. Non. Avec l'enseignement que tu as reçu, tu n'as pas honte. C'est pas mauvais, maman. Le bien existe sur la terre. Va faire pénitence et demander à Dieu le pardon de tes fautes. C'est un gentil garçon, maman. Il te plaira. Je suis sûre qu'il te plaira beaucoup. Le mal. Les hommes. Des bêtes. Oui, des bêtes. Après qu'elle ait vu le sang, elle veut le mal. Elle se tortille comme une chienne en chasse, devant des chiens tremblants sur leurs pattes qui viennent la renifler en bavant, l'écume dégoulinant des babines. Je sais à quelles horreurs ils se livrent dans leur voiture. Je les ai vus, je t'interdis d'y aller. Au casting, sinon, on a Amy Irving dans le rôle de Sue. C'est le film qui marquera le début de sa carrière, comme pour la majorité des autres acteurs, hein, de toute façon. Une carrière qui s'est un peu ralentie depuis. Son autre rôle qui nous intéressera, nous, c'est qu'elle revient dans Carrie 2, toujours dans le rôle dessus. Mais sinon, même si elle a pas mal joué, il n'y a rien de majeur. Ah oui, c'était pas une actrice non plus. C'est une actrice passe-partout, disons. Ouais, après, je trouve qu'elle fait du bon boulot, hein, dans le rôle. J'ai pas dit qu'elle faisait pas du bon boulot, je dis que c'était une actrice passe-partout. Ouais. D'accord, ouais, il y a... Donc, c'est William Catt qui joue le rôle de Tommy, donc j'ai retrouvé son nom. Il a pas mal tourné par la suite, même si quasiment jamais dans des rôles principaux ou pas dans des productions majeures, donc encore une fois, c'est un nom qu'on retient relativement peu. Oui. Nancy Allen, dans le rôle de Chris, on la retrouvera régulièrement chez De Palma, d'ailleurs ils seront mariés pendant quelques années. Mais son rôle le plus marquant pour le grand public, c'est qu'elle joue Anne Lewis dans la série Robocop. Mm. On en reparlera aussi puisqu'elle a joué dans Les Démons du Maïs 6. Et depuis le début des années 2000, elle fait plutôt dans le caritatif, elle est à la tête d'une association de lutte contre le cancer, donc d'accord. Elle s'est un peu éloignée des plateaux de cinéma. D'accord. Mais pareil, elle a eu une plutôt jolie carrière. Betty Buckley, qui joue le rôle d'enseignante Miss Collins, et qui n'était pas beaucoup plus vieille que les autres actrices à l'époque, vu qu'elle avait une trentaine d'années, alors que la majorité des étudiantes ont aux environs de 25 ans. Mm-hmm. Elle avait déjà pas mal joué au théâtre, notamment à Broadway, mais c'est Carrie qui va lancer sa carrière à l'écran. Carrière à l'écran qui ne sera jamais... monumentale. Ses rôles les plus connus, c'est dans la série, dans la sitcom, je crois, 8 ça suffit, que je n'ai jamais regardé, et dans la série Oz, que je n'ai pas vu non plus, mais qui a une bonne réputation. Une série extraordinaire, Oz. Ouais, tu m'en as déjà souvent parlé, mais ouais. J'ai pas encore pris le temps. C'est très très bien, Oz. On t'aime. Et donc, elle est bien dedans ? C'est quel personnage dans Oz ? J'ai pas noté. Alors, du coup, je ne vois pas, mais globalement, tous les personnages dans Oz sont extraordinaires, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas. Clairement, l'acteur le plus connu du film, c'est John Travolta, qui pourtant n'a pas un gros rôle. Billy apparaît assez peu dans le film. Un rôle de salaud en plus. Un rôle de salaud et son rôle est encore minimisé par rapport à son importance dans le roman. Même la saloperie du personnage du roman est minimisée dans le film. Oui, parce que c'est plus Chris qui prend la tête dans le film. Parce que lui, dans le film, il fait limite le faire-valoir de Chris. Alors que ouais, c'est ça. Dans le roman, c'est vraiment un connard misogyne. Ouais. Chris, tout ce qui l'intéresse, c'est couché avec, quoi, c'est tout. Oui, bah, ça on y reviendra, mais dans le film, les personnages masculins sont globalement très très en retrait. Oui. C'est le rôle du principal de l'école est lui aussi largement minimisé vu qu'il n'intervient pas du tout pendant le bal de fin. Mm. Et il n'y a que Tommy qui garde à peu près le même rôle finalement. Et puis même dans le corps scolaire, il n'y a que la prof de sport qui est vraiment un personnage fort dans le film. Donc John Travolta, oui, Carrie va peut-être un peu lancer sa carrière, mais faut être honnête, c'est surtout parce qu'il a enchaîné ensuite La Fièvre du Samedi Soir et Grise. Voilà. C'est surtout ces deux films. Avoir ses trois premiers films en début de carrière, c'est vrai que ça fait pas mal sur les cartes de visite. C'est ça. Bon, après, il rejouera chez De Palma dans Blowout. Mais il était pas mauvais dans Carrie, par contre. Hein. Ah non, il fait très bien le boulot, c'est juste que c'est un acteur secondaire. C'est ça. C'est pour le voir vraiment briller chez De Palma, faut regarder Blowout. C'est ça. Qui est un excellent film. Travolta, il a jamais eu rien à prouver, il a toujours été bon dès le début de sa carrière. Et pour moi, son meilleur rôle, juste pour l'anecdote, c'est dans Volte-Face, pour voir John Travolta cabotiner pour essayer d'égaler Nicolas Cage, c'est quand même génial. C'est ça, c'est génial, mais... Fin de la parenthèse, Volte-Face est quand même un film extraordinaire. On est d'accord. C'est dommage que ce soit pas adapté de King. C'est dommage, on aurait pu faire un podcast de 2 heures sur Volte-Face. Oui. Pour moi, le seul reproche qu'on peut vraiment faire à ce cast, en fait, c'est qu'il est plus âgé que les personnages ne sont censés l'être et que ça se voit un peu. Très souvent dans le cinéma qui se passe dans un milieu de lycée, en fait. Oui. C'est pareil dans les séries télé et c'est pareil dans les films, quoi. Oui, effectivement. Très souvent, ils vont prendre des acteurs de 25-30 ans pour jouer des lycéens qui en ont supposément entre 16 et 18, quoi. Ouais. Bon, bah tant pis. On a appris à faire abstraction, on va dire, à force de le voir. On s'est habitué, quoi, c'est pas grave. De Palma a eu beaucoup de temps pour préparer le film pendant qu'il y avait les négociations sur le budget et sur qui aurait les droits, donc il considère que c'est un de ses films qu'il a le plus eu le temps de penser en amont en termes visuels. Mmh. Ce qui, venant d'un réalisateur aussi visuel que De Palma, veut dire beaucoup. Bah, ça se voit. Et ouais, effectivement, le film était apparemment très précisément storyboardé, et ça a permis de faire des plans vraiment complexes, malgré un budget très limité, parce que tout était prévu à l'avance. Mmh. Au départ, le directeur de la photo, c'était Isidore Mankowski, mais il y a eu des conflits avec le réalisateur qui ont mené à son remplacement assez rapide par Mario Tozzi, qui est du coup le seul cité au générique, et qui fait un super travail, surtout quand la photographie peut souligner les effets dramatiques. Et sur le plan technique, justement, tant qu'on en est là, on remarque un usage assez fréquent de la demi-bonnette, qui est une technique que De Palma aime beaucoup. Donc, techniquement, désolé s'il y a des techniciens qui nous écoutent et qui vont probablement convulser en écoutant ma simplification, mais ça consiste à placer une sorte de lentille qui va couvrir la moitié de l'objectif de la caméra et donc à créer un objectif qui, sur une moitié, en fait, a une vision de près qui est mauvaise. Mmh. Donc ça permet en fait de faire le point sur deux éléments différents de l'image situés sur deux plans différents, ce qui ne devrait pas être possible normalement. Et c'est énormément utilisé dans Carrie et ça crée en fait des échelles de valeurs assez particulières puisqu'on peut se retrouver avec un personnage en gros plan à l'avant et un personnage à l'arrière-plan tout aussi net, donc c'est comme si on avait un plan large et un gros plan en même temps. Ce qui est une technique que De Palma aime beaucoup et qu'il réutilisera énormément dans sa filmographie. Le directeur artistique qu'on a déjà mentionné, Jack Fisk, il a lui aussi eu l'occasion de se lâcher, donc déjà apparemment il s'est beaucoup éclaté en détruisant la salle de bal à la fin. Et il y a plein de petites idées, l'abattoir où est récupéré le sang de cochon, c'est un décor vachement spécial qui apparemment a été remarqué par un de ses assistants. D'accord. Et il a été charmé aussi par la maison asymétrique où vit Carrie avec sa mère. Quand on voit les décors en extérieur, effectivement, on remarque pas forcément immédiatement, mais elle est pas symétrique comme maison, ça crée un sentiment étrange. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a des fenêtres en plus. En voyant la maison. Ouais, il y a des fenêtres en plus d'un côté, je crois. C'est un peu comme Kubrick a fait avec l'architecture de l'hôtel dans Shining, quoi. Oui, qui est impossible. En fait, rien n'est cohérent dans ce putain d'hôtel quand tu analyses un petit peu le film. Ouais. Et même dans les décors intérieurs, la fin avec les centaines de bougies partout dont on se demande d'où elles sortent, c'est pas du tout réaliste, mais ça passe super bien dans le contexte. C'est ça amène une ambiance à la scène. Le tournage se passe plutôt bien, il y a quelques incidents et on doit faire quelques compromis, mais ça c'est le cas sur n'importe quel tournage. Voilà. Au début, la scène où Carrie enfant fait tomber une pluie de gravier était censée être dans le film, mais ça ne marchait pas très bien. De même que plus tard, quand elle détruit sa maison après avoir tué sa mère, ça devait bien être par une pluie de pierre, mais pareil, ça ne rendait pas d'effet, donc finalement la maison brûle sur les plans d'extérieur. On voit bien des pierres tomber dans les plans d'intérieur, mais d'extérieur, il n'y a que la maison qui brûle. La scène du bal a mené à quelques improvisations dans la destruction du décor, et il y a une actrice qui a eu un tympan percé à cause d'un des jets d'eau. Mais bon, apparemment, elle s'en est bien remis, elle va bien aujourd'hui. Et il y a eu des conflits avec les producteurs qui étaient très sceptiques, d'une part face au sirop utilisé pour le sang de porc qui est censé recouvrir Carrie et qui apparemment était particulièrement collant. De sorte que si l'actrice s'asseyait entre les prises, en fait, fallait limite la décoller de sa chaise en forçant. Ah oui, d'accord. Ouais, fallait la réhumidifier à chaque fois pour pas qu'elle colle de partout, enfin. Mais ça rend vraiment un bel effet. Et surtout, les producteurs ont un peu râlé face à la passion de De Palma pour les plans séquences, notamment le très très long plan au moment de la remise des bulletins qui commence sur Carrie et Tommy, puis qui traverse un peu toute la salle de bal, qui montre tous les protagonistes, puis qui montre Chris et Billy qui sont cachés, qui tiennent la corde, puis qui remontent tout le long de la corde pour finir sur le saut, pour revenir sur Carrie et Tommy. Ouais, ce plan est extraordinaire. Donc le plan est extraordinaire, en fait. Mais il dure 2 bonnes minutes, et apparemment il a demandé à lui tout seul toute une journée de tournage et environ 35 prises. Il faut ce qu'il faut. Mais De Palma a plus ou moins dit à ses producteurs d'aller se faire foutre voilà. Quand ils ont râlé. Après, le film s'ouvre sur un plan séquence, donc au bout d'un moment, tu vas pas rechigner sur d'autres plans séquences, quoi. Ouais, mais celui-là, il était peut-être plus complexe que les autres. Une journée de travail de balancer dedans. C'est surtout que le premier plan séquence, il monte des nanas à poil, donc les producteurs, ils vont pas gueuler sur ça. Je pense aussi, oui. Et De Palma a parfois un peu poussé ses actrices à bout. Alors, il a un peu isolé Sissy Spacek pour qu'elle ressente l'isolement de son personnage, c'est assez classique. Et il a demandé à Betty Buckley, donc la prof, d'insulter et gifler pour de vrai Nancy Allen dans sa confrontation avec Chris. Et à l'écran, ça se voit que c'est une vraie gifle qu'elle prend dans la gueule. À l'écran, ça se voit qu'elle s'en prend une bonne. Voilà. Surtout qu'apparemment, la scène a beaucoup été refaite, donc elle s'en est pris une paire, hein, je pense. Mais bon, on va dire qu'on est relativement soft par rapport au niveau Stanley Kubrick sur Shining. Alors, qui lui était quand même en mode un petit peu psychopathe. Hein. Ouais, voilà. Un peu. Bon, on en reviendra quand on parlera de Shining, mais en tout cas... Et De Palma, effectivement, ajoute énormément d'humour à l'histoire, hein, ce qui n'est pas du tout présent dans le livre de King. Ah, le livre est très premier degré. Hein. Ouais. Alors, parfois, c'est sans même modifier les dialogues, parce que j'ai eu l'occasion de lire le scénario, une version du scénario, et il y a des moments où il modifie pas du tout le texte, mais où par la manière de réaliser, par le jeu qu'il demande à ses acteurs, ou par la musique, il rajoute vraiment de l'humour. Et il rajoute aussi quelques petites scènes pour aller dans ce sens, par exemple la scène où les garçons essaient des costards avant d'aller au bal, ça elle est pas du tout présente dans le scénario de base. Et enfin, pour finir sur les personnes qui ont participé à ce film, c'est la première collaboration entre De Palma et Pino Donaggio, qui avait signé 3 ans plus tôt la BO du film Ne vous retournez pas, que je vous conseille ardemment, c'est génial, clairement, de Nicolas Roeg, et ça restera un collaborateur récurrent de De Palma. Ils ont travaillé 7 fois ensemble, donc c'est le compositeur avec lequel il a le plus bossé. Il y a un mélange de pistes assez pop, il y a même des chansons, de musique assez tendue qui rappelle un peu du Bernard Herrmann, notamment les coups de violon quand Carrie utilise ses pouvoirs, c'est du pur psychose. Ouais. Alors De Palma est fan d'Hitchcock, et il avait collaboré 2 fois avec Bernard Herrmann sur Obsession et sur Sœur de sang, mais à l'époque de Carrie, Bernard Herrmann n'était pas disponible parce qu'il était mort. Effectivement, ça peut poser... C'est une bonne raison, c'est une très bonne raison. Effectivement, niveau disponibilité, ouais. Bon, c'est... Et à côté de ça, il y a des thèmes beaucoup plus doux qui contribuent pas mal à l'ambiance du film. Mm-hmm. Donc moi, c'est une BO que j'adore. Ouais. Et d'un compositeur que je trouve trop peu connu. Et d'ailleurs, c'est la BO qui sert de fin à notre émission. Je pense qu'il est temps d'aborder le film à proprement parler. Ouais, voilà, juste une dernière précision pour dire que pendant longtemps, le studio n'a pas été convaincu par le film et que pendant un temps, ils ont envisagé de le sortir en double programme. D'accord. Voilà. Eux, ils n'ont pas eu le nez creux, hein. Non, pas tellement. Pour ceux, si on peut faire la réception critique tout de suite, ça a été excellemment bien reçu. Quelques avis dissonants, mais dans l'ensemble, que des critiques positives, notamment de Roger Ebert, qui était un critique très influent à l'époque, et de Justine Kael, une autre critique influente, et qui a énormément soutenu De Palma sur tous ses premiers films. En janvier 78, donc un peu plus d'un an après sa sortie, il a rapporté alors, entre 14,5 et 33 millions de dollars, selon les sources. Mais en tous les cas, c'est beaucoup, sur le territoire américain. Et en France, il fera aux alentours d'1,3 million d'entrées, donc à peu près pareil que Phantom of the Paradise. Et il a aujourd'hui 3,7 étoiles sur Allociné, 94% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes. Il a été nommé pour des Oscars et des Golden Globes, ce qui était très rare pour un film d'horreur. Et Grand Prix au Festival d'Avoriaz en 1976, ce qui est le 2e Grand Prix d'Avoriaz pour De Palma, qui l'avait déjà eu pour Phantom of the Paradise en 1974, et comme il n'y avait pas eu de Grand Prix en 1975, ça veut dire que De Palma en a reçu 2 de suite. Et aujourd'hui, le film est resté culte, et pour l'anecdote, Tarantino le met en 8e position sur sa liste des meilleurs films de tous les temps, qui change probablement tous les 2 jours. Oui, voilà. Tarantino, quoi. Et donc, pour l'avis de King, c'est un film qu'il adore, qu'il considère même comme supérieur à son roman. Et il en dit dans Anatomie de l'horreur. De Palma a traité ce matériau avec plus de légèreté et plus d'habileté que moi, disons en gros de façon plus artistique. De Palma est rusé, et il dirige à merveille ses acteurs en majorité féminin. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai beaucoup peiné pour parvenir à sa conclusion, en m'efforçant de faire de mon mieux avec ce que je savais des femmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ça se voit, mes personnages et leurs actes me paraissent encore justes, mais le film de De Palma a 100 fois plus de style que mon livre. pourquoi je suis ici? Parce que c'est la fête. Pourquoi avec toi? Parce que je te l'ai demandé. Pourquoi tu me l'as demandé? Parce que j'en avais envie. Pourquoi tu n'avais envie? Parce que tu as aimé mon poème. L'ennui, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Oh. Ne pense à rien. Tu es là. Je suis avec toi. Et je suis heureux. Et toi, tu es heureux? Je pense que, spoiler alert, nous sommes d'accord avec King. Ouais. Le film est supérieur au roman. Déjà, on peut commencer par déjà, ça. Ouais, là, déjà, clairement. Le film est clairement supérieur au roman. On l'a dit tout à l'heure, le film s'ouvre sur un plan-séquence de la scène de douche. Ouais, qui est le deuxième plan du film, en réalité. Il y a un plan où tu les vois jouer au handball, oui, au volley. Ah oui, exact, j'avais oublié. On oublie toujours ce plan-là. J'avais oublié. Alors qu'apparemment, il était bien chiant à tourner. Ah, merde. Le film ne s'ouvre pas sur un plan-séquence, mais le plan-séquence qui suit est quand même assez emblématique. Oui. Où la caméra défile entre la rangée de casiers pour finir au niveau des douches. Ouais, pour finir sur Carrie. Pour finir sur Carrie. Déjà, avec ça, on repère... Enfin, l'un. Si, l'un des gros signes de De Palma. De Palma, c'est avant d'être un gros réalisateur, c'est un réalisateur du voyeurisme. Oui. De Palma. Et t'as toute sa signature de voyeur dans cette scène. Oui. Qui est... extraordinaire, qui est mise en scène et qui a une colorimétrie très douce en plus. Et puis la musique très douce aussi à l'arrière. Voilà. Et qui fait vraiment monter l'ambiance jusqu'à la découverte des règles de Carrie. C'est ça qui est intelligent. Alors on reviendra sur cette scène, mais il y a vraiment... De Palma va beaucoup travailler le contraste, ce que King fait assez peu dans Carrie. Ouais. Donc il va énormément travailler sur l'opposition entre des moments beaucoup trop doux presque, on les croirait issus d'un rêve, et des moments extrêmement violents. Donc il y a cette première scène où Carrie a ses règles, et il y a évidemment toute la scène du bal qui commence vraiment de manière idyllique. C'est ça, parce que on passe des moments violents, pas forcément des moments violents uniquement physiquement, des moments violents également mentalement, psychologiquement, pour les personnages, des moments durs en fait. Parce que oui. Typiquement les passages de pétage de câble de sa mère, c'est plus psychologique que physique, même si des fois, bon, elle a la main légère, quoi. Ouais, quand elle la traîne à travers toute la pièce pour l'enfermer dans le placard, quand même. Voilà. Ce qui est caractéristique, je trouve, de la réalisation de De Palma, c'est qu'il a à la fois une réalisation toujours un peu kitsch, mais toujours très actuelle, et surtout toujours très voyante, mais qui ne prend, je trouve, jamais le pas sur le propos du film. À part dans certains de ses films, où du coup, je lui reproche un peu ça, mais c'est quand même très très rare. Il a une réalisation très... très entre l'académique... et une vraie réalisation signée. C'est très paradoxal, sa réalisation, en fait, de Palma. Bah, je trouve que ça relève un peu du fait que c'est un réalisateur qui revendique certaines influences, notamment celle d'Hitchcock et celle du giallo italien, mais qui, en même temps, va y amener des choses extrêmement personnelles. C'est-à-dire, plein des films de Palma peuvent être résumés en prenant un pitch ou deux d'Hitchcock et en rajoutant tout le côté voyeuriste. Dans Carrie, les références à Hitchcock sont assez rares, mais il y en a quand même d'assez clair, notamment quand la mère de Carrie veut la poignarder et qu'il y a ce gros plan sur le poignard. C'est du pur Hitchcock, ce moment-là. Il y a aussi des gros clins d'œil à de la réalisation d'Argento, surtout sur le travail des couleurs. Oui. Surtout pour la scène du bal. Et sur les plans-séquences, Argento aimait beaucoup ça aussi. Et puis en prenant Pino Donaggio, qui est un réalisateur qui a un côté giallo dans sa manière de composer, je trouve. Parce que je saute un petit peu, mais du coup la scène du bal fait vraiment à fond de giallo, quoi. À partir du moment où elle est recouverte du sang de porc avec les mouvements de violon d'un coup, et enfin ouais, ça sonne Argento, cette scène-là. Oui, carrément. Et il y a énormément d'effets quand on y regarde. Alors, ça reste assez sobre pendant une partie du film, à part quelques déchaînements, notamment dans les scènes avec la mère et dans la scène de la douche. Mais sur la fin, sur la scène de bal, ça se lâche totalement. Il y a des plans séquences, il y a du split screen, il y a les lumières qui deviennent toutes rouges, il y a un travail sur le bruit quand le saut tombe et que c'est quasiment silencieux, à part quelques bruits très, très choisis. Le jeu des acteurs est ultra dramatique, t'as des ralentis, t'as des accélérations. Il y a 36 000 effets de style, mais ça fait jamais trop. Puisque t'es passé vite dessus, mais 76, le split screen, c'était pas tous les jours qu'on en voyait. Faut remettre un petit peu les même aujourd'hui, c'est pas un truc qui reste très fréquent. Non, mais maintenant, c'est très popularisé, notamment avec des séries comme 24 heures chrono. Maintenant, c'est un truc, quand tu le vois, t'es plus impressionné par du split screen. Ouais. Alors que là, t'as vraiment la réaction et de Carrie enfin avec sa froideur, qui se met à attaquer tout le monde, et la réaction de panique de toute la salle de bal. Et à cette époque-là, ça devait vraiment envoyer de voir ça sur le grand écran. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une preuve que De Palma ne fait pas des effets juste, enfin ne fait pas du style juste pour le style. Au début, toute la scène du bal était prévue, enfin toute la scène du chaos du bal était prévue pour être en split screen. Mais il s'est rendu compte au montage que ça ne marchait pas vraiment, et donc il en a enlevé pas mal sur tout ce qui était prévu. Il n'y en a pas tout le temps. Mais je trouve en fait que ça rend ça encore plus chaotique, parce qu'en fait les split screens surgissent de manière totalement imprévisible, et donc tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. En fait, des fois c'est là, des fois c'est pas là, il n'y a pas vraiment de logique apparente, mis à part celle du rythme que voulait donner De Palma. Donc ça rend ça encore plus chaotique que prévu. Du coup, le côté épistolaire du roman qui est totalement zappé du film de De Palma, il en fait totalement abstraction. Oui, parce qu'il préfère s'attarder sur l'attachement qu'on peut avoir pour les personnages, et effectivement on va autant s'attacher à Carrie, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman, qu'à des personnages comme Sue ou à la prof. La Carrie de Palma est beaucoup plus humaine. On éprouve beaucoup plus d'empathie pour elle que la version du roman, je trouve. Ah bah carrément, oui. C'est le fait que King n'ait pas eu de réelle sympathie pour Carrie se ressent dans le roman et se communique au spectateur, au lecteur plutôt. Un autre truc qui était assez nouveau à l'époque, c'est la fin, la toute fin du film. Donc la dernière scène, c'est un rêve du personnage dessus, justement, qui donc rêve qu'elle va sur la tombe de Carrie, qui est en réalité sur les ruines de son ancienne maison. Et alors qu'elle dépose un bouquet de fleurs dessus, il y a la main ensanglantée de Carrie qui surgit du sol et qui la grippe. Un gros jumpscare qui a dû faire flipper pas mal de monde. Ouais, bah, c'est parce que c'était assez nouveau à l'époque. Alors, De Palma confesse que c'est quelque chose qu'il reprend. Il dit que c'est une idée qu'il a eue grâce au film Délivrance de John Boorman, mais c'est clairement De Palma qui a popularisé ce type de fin, qu'on verra après dans des films comme Vendredi 13. Oui. Voilà. Avec Jason qui surgit de l'eau à la toute fin du premier. Et De Palma le reprendra d'ailleurs lui-même quasiment à l'identique qu'à la fin de Pulsion. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, exact. Mais j'avais pas fait le rapprochement. Et le fait que De Palma ait pu sucrer absolument toutes les scènes épistolaires et faire quand même un film qui dure la bonne longueur, c'est qu'il travaille énormément sur la durée. Oui, le film dure un peu moins d'1h40, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais la scène de bal dure à elle seule plus de 20 minutes. Elle est très longue. Elle est très longue. Et elle dure à tous ses niveaux, c'est-à-dire le passage idyllique est long, le passage où la tension monte avec le plan séquence, c'est long. Après, quand Carrie se prend le saut, il y a facilement 2 minutes de silence où juste tout le monde prend le temps de réaliser ce qui est en train de se passer, avant qu'il y ait vraiment l'explosion finale. Il y a un travail sur la tension et sur la durée qu'il n'y a pas du tout dans le livre de King, qui au contraire va dans la rapidité. Et malgré ça, le carnage final est même abrégé, puisque dans le livre, c'est toute la ville qui en prend pour son garde. Oui. C'est là, toute la ville qui est détruite. Là, c'est que le lycée et finalement sa mère. Sa mère. Chris et son copain qui ont un accident de voiture provoqué par Carrie. Mais pareil, l'accident est vite expédié par contre. Bon, c'était un souci de budget, cette différence. C'est principalement dû au manque d'argent. D'accord. C'est une des grosses différences par rapport au livre. Mais la destruction de la ville, on l'aurait eu si De Palma avait eu un budget beaucoup plus confortable. Oui, c'est pas une décision artistique, c'est vraiment... Économique. Économique. Il faut bien. Je regarde, mais pour moi, c'est à peu près tout, on a tout résumé. Il n'y a pas tant de différence que ça, au final. Non, après, c'est les différences mineures, donc comme on l'a dit, les rôles des hommes sont assez abrégés. C'est vrai, le proviseur est quasiment absent du film. Ouais, c'est ça, alors que normalement, à la fin, c'est... En fait, ce que fait la manière dont la prof interrompt Sue alors qu'elle allait interrompre Chris, normalement, c'est le proviseur qui fait ça dans le livre. Voilà. Alors que là, c'est la prof de sport qui est vraiment centrale, qui représente l'autorité de l'école, quoi. Ouais, et comme on l'a dit, Billy est beaucoup plus secondaire aussi, il est beaucoup plus soumis à Chris qu'il ne l'est dans le livre. Finalement, c'est vrai que ça décrit une société assez féminine. Alors, j'irai pas jusqu'à qualifier le film de De Palma de féministe, loin de là. Le rapport de De Palma, de toute façon, à la position des femmes, est assez ambigu, parce qu'il y a une idée de la femme forte, mais en même temps, il y a tout ce voyeurisme et tout cet érotisme qui traverse son cinéma. Donc il crée une sorte d'ambiguïté assez intéressante, je trouve. Après, son côté voyeur est dû surtout à des problèmes d'enfance. Oui, bah raconte l'anecdote. Voilà, mais je veux dire, plus que par une vision de la femme. Oui, c'était son père... Non, c'était sa mère qui forçait à photographier son père, car elle pensait que son père le trompait. Oui, ce qui était le cas d'ailleurs. C'était le cas. Mais donc voilà, De Palma tout jeune était forcé par sa mère à prendre des photos en mode voyeur de son père pendant ses liaisons externes. Ce qui, quand on est un enfant, je pense, doit être un petit peu traumatisant comme expérience. Ah bah, au vu de sa filmographie et vu le nombre de scènes dans ses films où quelqu'un prend des photos en douce de quelqu'un d'autre, voilà. Ouais, clairement, ça l'a traumatisé. Attends, clairement, voilà, l'ouverture des douches, c'est clairement ça. Oui. C'est un résidu, quoi. Mais il y a des scènes de voyeurisme dans, peut-être pas tous ses films, mais au moins 90% de sa filmo, quoi. Ouais, une bonne partie. Il y en a même qui sont basés intégralement dessus. Hein, Body Double et Femme Fatale, c'est à la base de l'intrigue, limite. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un grand film. Que je vous conseille vraiment. C'est un monument du cinéma. Et pour tout, que ce soit pour la direction d'acteur, la direction artistique, la musique, voilà, tout est bon dans ce film. Et dans la filmo de Palma en général, il y a plein de trucs à découvrir, mais c'est devenu de toute façon un film culte aujourd'hui, on peut le dire. Est-ce qu'il serait pas temps de parler de la scène culte ? Si, nous allons passer à la rubrique de la scène culte, donc comparatif entre le livre et le film, et nous avons choisi la scène des douches où Carrie a donc ses premières règles. Carrie tourna le robinet de la douche. L'eau cessa de couler avec un bruit de gargouillis. Ce ne fut qu'à l'instant où elle s'écarta de la douche qu'elle virent tout le sang qui lui coulait le long de la jambe. « Elle a ses ours !» Chris Argensen, la première, lança la formule en scandant les syllabes. Les mots ricochèrent contre les murs carrelés et se répercutèrent dans la longue pièce sonore. Susnell émit une sorte de ricanement nasal et ressentit un mélange de haine, de répulsion, d'exaspération et de pitié. Elle avait l'air tellement cloche, cette folle plantée là sans rien comprendre à ce qui se passait. Mon Dieu, c'était à croire que jamais... Elle a ses ours ! Cela devenait une rengaine, une incantation. Une des filles, dans le fond de la salle, peut-être était-ce encore Arkansas, Sun aurait pu l'assurer dans ce tintamarre d'écho, hurler « Mais y a un bouchon !» avec une vulgarité agressive, sans retenue. « Elle a ses ours ! Ses ours ! Ses ours !» Carrie se tenait immobile, stupide, au centre du cercle qui se formait autour d'elle, la peau ruisselante de perles d'eau. Elle restait là, sans réaction, comme un bœuf, se sachant l'objet de la risée générale, comme toujours, décontenancée mais sans surprise. Sue sentit s'accroître son dégoût en voyant les premières gouttes sombres de sang menstruel s'étaler sur le carrelage en taches rondes comme des pièces de 10 cents. « Mais enfin, Carrie, tu as tes règles !» s'exclama-t-elle. « Va te laver !»« Ah !» Carrie promena autour d'elle un regard bovin. Ses cheveux lui collaient aux joues comme un casque. Un cercle d'acné lui ponctuait une épaule. À 16 ans, les reflets fugaces de la souffrance se lisaient déjà clairement dans son regard. « Elle croit que ça sert de rouge à lèvres !» s'écria soudain Russ Cogan avec un air de joie secrète, puis elle éclata de rire. Sue se souvient plus tard de cette réflexion qui s'inscrivait dans un tableau d'ensemble, mais pour l'instant ce n'était qu'un bruit inepte de plus dans le chahut général. « 16 ans !» elle réfléchit. « Elle veut savoir ce qui lui arrive, elle... » De nouvelles gouttes de sang. Carrie, clignant des yeux, considéra autour d'elle ses camarades avec une stupéfaction lente. Hélène Shire se détourna et fit semblant de vomir. « Tu saignes !» cria brusquement Sue avec violence. « Tu saignes, grosse méduse !» Carrie baissa les yeux et regarda ses jambes. Elle se mit à pousser des cris perçants. L'écho de ses clameurs s'amplifia dans le vestiaire humide. Soudain, un tampon hygiénique la frappa à la poitrine et tomba à ses pieds avec un choc mou. Une fleur rouge imbiba le coton absorbant et s'épanouit. Puis les rires dégoûtés, méprisants, horrifiés, parurent s'amplifier pour se muer en une agressivité malfaisante et les filles se mirent à lancer sur Carrie des tampons et des serviettes hygiéniques tirés les uns de leurs sacs, les autres du distributeur cassés accrochés au mur. Les projectiles volaient comme des flocons de neige et le refrain devint « Mais-y, un bouchon ! Mais-y, un bouchon !» Sue bombardait aussi Carrie tout en faisant chorus avec les autres, incertaine du sens de ses gestes. Une sorte d'envoûtement s'était emparé de son esprit, il rayonnait comme une lumière au néon. « Y a pas vraiment de mal à faire ça, pas vraiment de mal, pas vraiment. » Cette phrase s'inscrivait toujours dans sa tête, lumineuse, rassurante, lorsque Carrie se met soudain à hurler de désespoir, à reculer en agitant les bras, à pousser des ululements entrecoupés. Les filles s'arrêtèrent, comprenant que le stade de la fission, de l'explosion, était atteint. Ce fut à ce point que, rétrospectivement, certaines d'entre elles ressentirent, affirmèrent-elles, une vive stupéfaction. Et pourtant, des années s'étaient écoulées, des années passées à mettre en portefeuille le lit de Carrie au camp des jeunesses chrétiennes. Et j'ai trouvé ce billet doux de Carrie à Flash Bobby Pickett, on va le recopier et le faire circuler. Ou cachons-lui sa culotte, et mettons ce serpent dans sa chaussure, ou faisons-lui boire la tasse à la piscine. Carrie, toujours à la traîne pendant les balades à vélo, traitée une année de méduse et la suivante de phase de paix, exhalant toujours des relents de sueur, incapable de suivre les autres, se piquant aux orties en urinant dans les buissons à la grande joie des autres. Hé, hey, gratte-cul, ça te picote tes fesses ? Billy Peanuts, qui lui étala du beurre de cacahuète dans les cheveux le jour où elle s'était endormie à l'école. Les pinsons, les jambes tendues pour lui faire des croche-pieds dans les couloirs de l'école. Les livres jetés à bas de son bureau. La carte postale obscène glissée dans son sac. Et Carrie au pique-nique paroissial, s'agenouillant avec maladresse pour prier. Et la couture de sa vieille jupe de coton craquant le long de sa fermeture éclair avec un sifflement de ventilateur. Carrie, qui manque invariablement la balle, même à la balle au camp, qui tombe à plat ventre en classe de danse moderne et se casse une dent, qui se prend dans le filet en jouant au volley-ball, dont les bas ont toujours des mailles filées ou prêtes à filer, dont les blouses sont toujours auréolées de sueur aux aisselles, et même le jour où Chris Argenson lui a téléphoné de la fruiterie Kelly dans le bas de la ville pour lui demander si elle savait que Carrie s'écrivait C-A-C-A-R-I-E. Soudain, cette accumulation de brimades cristallise et la masse critique est atteinte. L'ultime degré de la méchanceté, de la vacherie dans le coup bas si longtemps recherchée, est trouvé. La fission. Voilà, nous allons maintenant vous passer l'audio de la même scène dans le film. Chris, je te laisse commencer. Les deux scènes sont très bonnes. Encore une fois, préférence pour celle de De Palma, pour la version de Palma en tout cas. Même si, pour le coup, je trouve que, par exemple, le personnage de Sue, on voit dans le roman qu'elle a des regrets à ce qu'elle fait. Oui. Là où c'est moins clair dans la version de De Palma. Dans la version de De Palma, on dirait vraiment que toutes, sans exception, sont des connasses. Oui, la différence, c'est que la scène du roman est vue à travers le regard de Sue, tandis que dans le film, c'est vu à travers le regard de Carrie, qui donc va toutes les considérer comme des ennemis. Voilà, donc du coup, pour le coup, le roman est un peu moins rentre-dedans, alors que pour tout le reste, il est plus rentre-dedans. Disons qu'après, le film va affiner, va bien revenir sur les regrets de Sue, mais c'est qu'à niveau point de vue, effectivement, on peut pas envisager que Carrie le voit au moment où elle est frappée par ça, parce qu'elle considère tout le monde comme des ennemis, y compris la prof d'ailleurs, quand la prof débarque juste après. Mais tu vois, pour le coup, on disait que Carrie, on a moins d'empathie pour Carrie dans le roman que dans le film, et je trouve que pour Sue, c'est le contraire. On a plus d'empathie pour Sue dans le roman que dans le film. Je trouve que dans le roman, c'est plus mis en avant, qu'elle cherche vraiment à s'excuser, qu'elle cherche vraiment une rédemption. Parce qu'il y a des passages du roman où elle est toute seule chez elle, où elle pense, elle s'imagine, est-ce que ça se passe bien pour Carrie et pour Billy au bal, voilà. Il y a des scènes où elle pense, alors que dans le film, c'est un peu absent, tout ça. Bah, la scène où il y a le plus les regrets de Sue dans le film, en fait, c'est la dernière, quand on voit qu'elle cauchemarde toujours par rapport à ça, ouais. Et qu'elle s'en remet pas. C'est ça. Je trouve que ouais, le personnage est beaucoup plus attachant, pour le coup, dans le roman que dans le film. Ouais. C'est l'une des grosses différences. Ah, je la trouve quand même attachante, moi. J'ai pas dit qu'elle l'était pas, j'ai dit qu'elle l'est plus dans le roman que dans... À mes yeux, hein. Elle l'est plus dans le roman que dans le film. Ouais. D'ailleurs, cette scène de fin donc, est un ajout de Palma, justement, je pense, en partie pour souligner une certaine empathie envers Sue. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'elle est là. Oui, parce que lui-même, peut-être, s'est rendu compte que peut-être que le spectateur pourrait être perdu. Ouais, qu'elle était un peu trop ambiguë, peut-être, voilà. Peut-être pas assez présente. Sur son propre ressenti envers le personnage. Mais sinon, les deux scènes sont très bien. Celle de De Palma, encore une fois, va plus installer un contraste, justement grâce à la présence de l'érotisme dans toute la première partie, parce que là où ça arrive très brutalement dans le roman, dans le film, on voit assez longuement Carrie se laver avant qu'elle ne commence à saigner. Donc l'horreur arrive vraiment au milieu d'une scène qui est plutôt sensuelle. Donc elle est peut-être plus organique, on va dire, la scène dans le film, par rapport au roman, qui bénéficie par contre de cet excellent paragraphe de retour sur toutes les brimades qu'a subi Carrie par le passé. Oui, parce que là, et du coup, dans le roman, on comprend le pétage de câble. Ouais. Parce que c'est vrai que dans le film, ça nous est un petit peu balancé comme ça. On connaît pas trop le passé victime scolaire de Carrie. Ouais, ça sera roman, réabordé par la suite, voilà. Mais c'est... Bah, c'est l'ouverture du roman, du film, hein, là, cette scène-là. Dans le roman, effectivement, on a tout ce retour en arrière. C'est vrai que... Il pouvait, enfin, De Palma aurait pas casé des flashbacks dégueulasses pour gâcher la film. Enfin, ça aurait gâché la scène. Oui, voilà. Clairement, De Palma est un cinéaste qui a su, qui a pris plein de décisions pour raisons visuelles. Celle-là en est une, à mon avis. Je pense que c'est à peu près la même raison qu'il décide du fait de la mort de la mère. Dans le livre, son cœur s'arrête. Dans le film, elle se fait poignarder en position plastique. De Saint-Sébastien. C'est une statue de Saint-Sébastien qu'elle a sur son placard. C'est purement au-delà de la symbolique, c'est un pur choix visuel et cette scène des douches en est aussi une représentation, je trouve. Donc effectivement, c'est un très bon exemple. Carrie, en fait, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est à la fois une adaptation relativement fidèle malgré les différences sur l'émotion et quelques changements, mais globalement rarement majeurs. Donc une adaptation fidèle, mais en même temps très personnelle de la part de son auteur. Et ça reviendra pas si souvent que ça. De Palma sait s'éloigner par moments, mais jamais il ne dénature l'œuvre de King. C'est ça, en somme, c'était le bon réalisateur pour la bonne œuvre. Mmh. Heureusement, ça arrivera d'autres fois. Oh, ça arrivera d'autres fois, oui. Heureusement pour nous. Mmh. Heureusement, Carrie n'est pas la seule bonne adaptation, sinon on serait dans la merde pour la suite de ce podcast. Faut admettre, on a fait le bon film, maintenant vous allez enchaîner sans merde. Je pense qu'on peut placer au classement. On peut passer au classement. Très bien, donc je rappelle notre classement qui est relativement simple pour le début. Cimetière de Marie Lambert est en première place et La Tour Sombre de Nicolas Jarcel est en deuxième et dernière place. Notez que le classement est le même pour la partie littéraire. Donc commençons par le roman. Par le roman. Où places-tu Carrie ? Clairement, Carrie. Alors pour moi, Carrie, en version roman, ça va au-dessus de La Tour Sombre, mais en dessous de Cimetière. D'accord, donc il va y avoir un débat parce que pour moi, il est en dessous des deux. Ah d'accord. Mais il y a une différence entre nous deux, c'est que t'as lu que le premier tome de La Tour Sombre. Et normalement, on juge le premier tome. C'est pas toute La Tour Sombre qui a été adaptée. Non, mais c'est pas que le premier tome. Oui, c'est vrai aussi. Vu qu'il y a des trucs des trois premiers tomes. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Si tu devais le juger que par le premier tome. Si je devais le juger que par rapport au premier tome, où j'hésiterais, je dirais qu'ils sont à peu près équivalents. Il va falloir qu'on instaure ce qu'on appelle Joker, et comme ça tu prends la main et je prends la main sur des fois. On choisit. Ouais. Parce que ça va être compliqué sinon. Donc là, on est d'accord que Carrie va en dessous de Cimetière. En dessous de Cimetière, de toute façon, c'est évident. Quoi qu'il arrive, ça va en dessous de Cimetière. Parce que Cimetière est un roman beaucoup mieux maîtrisé, avec des personnages beaucoup plus caractérisés et tout. Ouais. Tout est beaucoup mieux dans Cimetière, ça, on est d'accord. J'ai envie d'utiliser un Joker sur La Tour Sombre parce que, encore une fois, ouais, t'as lu que le premier tome, mais par la suite il y aura aussi tout ce côté développement de personnage. Oui, voilà, c'est ça. Et ça me ferait un peu mal au cul en fait que Carrie soit au-dessus de La Tour Sombre parce que je peux pas m'empêcher de le juger en cycle. Bon, tu sais quoi, je te l'accorde sans Joker. C'est gentil. On est Carrie, parce que c'est. On va pas griller des Jokers directement. Oui. Mais tu mets ton Carrie en dessous. Merci. Bon, pour le film, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Ça va au-dessus des deux. Ça va au-dessus des deux. Et parce que et juste de loin. C'est un petit moment. Ouais, parce que s'il est loin au-dessus des deux, c'est... On l'a déjà dit, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Cimetière, c'était une bonne adaptation, il y avait une bonne histoire, il y avait des bonnes scènes, mais il n'y avait pas tout le brillant de la réalisation, voilà. Et même le jeu d'acteur était inférieur dans Cimetière, tandis que là, on est face à un film... Cimetière, c'est un film très académique, il manque l'aspect artistique dans le film de Cimetière, dans l'adaptation de Cimetière. Là, c'est un vrai chef-d'œuvre. Bah, c'est un film qui est, pour moi, un grand film d'horreur et qui, comme on l'a dit, a marqué le genre. C'est majeur comme œuvre. Voilà. Il n'y a pas débat, ça va largement au-dessus de Cimetière. Si ça va largement au-dessus de Cimetière, bah, autant dire que l'adaptation de La Tour Sombre, elle peut aller se rhabiller. Ah bon, elle est écrasée, celle-là, oui. Elle peut aller se rhabiller, c'est bon. Donc, Carrie, première place des adaptations de films, dernière place dans les romans. Premier paradoxe d'une longue série, à mon avis. C'est ça. Mais ça ne retire pas la qualité du roman. Ça retire absolument pas la qualité du roman. C'est ça la différence entre la liste roman et la liste film. C'est que la liste roman, pour l'instant, compte 3 bons romans. La liste film compte un très bon film, un film moyen et une daube. Ouais. Voilà, c'est deux classements assez différents au final. Oui, clairement, il faut garder ça en tête. Il voilà, faudra bien le rappeler. Parce qu'on en viendra à des romans qui sont pas top quand même. Hein. On va... King n'a pas écrit des chefs-d'œuvre. Ouais, ouais. Ça va si, malheureusement pour nous. Oui. Avant de nous séparer, puisque je pense qu'on a fini sur Carrie. On a fini, oui. J'en profite pour caser quelques nouvelles très rapides qui nous concerneront, puisque ce sont les nouvelles des adaptations à venir. Donc apparemment, Dumaki serait en projet d'adaptation, en pré-production, par Taylor Hackford, qui a aussi réalisé déjà Dolores Claiborne, donc qui visiblement se spécialise dans les Kings qui se passent sur une île. Dolores Claiborne que je n'ai pas vu, mais que toi tu as vu, qui apparemment est bon. C'est une de mes adaptations préférées. D'accord. Ensuite, des rumeurs aussi d'adaptation des Tommyknockers et du Fléau, avec James Wan à la production. Alors James Wan producteur, malheureusement ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est ça. Parce que c'est James Wan qui a produit tous les sauts. Mm-hmm. Et clairement, tous les sauts ne sont pas bons. C'est lui aussi qui a produit tous les Insidious et tous les Conjuring, même ceux qu'il a pas réalisés. Et pareil, il y a du bon et du moins bon. Bah, Conjuring, il les a réalisés. C'est les spin-offs des Conjuring qu'il a pas réalisés. Il y a... Annabelle, oui, notamment. Effectivement, ouais. Oui, mais de l'univers Conjuring, on va dire. L'univers étendu Conjuring. C'est lui qui a produit tous les Insidious, et là, il a pas réalisé tous les Insidious, il en a réalisé que deux. Ouais. Mais alors, par contre, que le troisième Insidious est plutôt correct. Oui, et je n'ai pas vu le 4. Donc effectivement, on ne sait pas quoi en attendre. Je crois que sur les Tommyknockers, enfin sur un des deux, ce serait le scénariste des Saw actuels. D'accord. Le dernier film Saw ne pêche pas par son scénario. Ouais. Donc, à voir. En projet aussi par donc bientôt la sortie du Doctor Sleep de Mike Flanagan. Bon, on verra bien ce que ça rend. Moi, j'aime pas des masses le roman, donc j'en attends pas grand-chose. Pour le coup. Joyland aussi, on a vu. Joyland est en projet, mais je crois que c'est un peu moins avancé dans l'état de production. Mm-hmm. Et surtout, la meilleure nouvelle pour moi, c'est qu'il y a de nouveau la petite fille qui aimait Tom Gordon qui est entrée en pré-production. C'était Romero qui travaillait dessus à une époque. Et sa veuve, dont j'ai oublié le prénom, j'en suis désolé, est toujours à la production. Et comme elle était déjà à la production à l'époque, elle va pouvoir, je pense, maintenir les idées qu'aurait pu apporter son mari. Donc celui-là, je suis très impatient de le voir parce que j'adore le roman. Et un spin-off à l'univers de ça. Et oui, enfin, c'est qu'une rumeur, je crois, voilà, pour l'instant. Pour l'instant, c'est une rumeur, ouais. Mais après, les rumeurs, ça peut vite se transformer en vérité. Voilà. Donc, énormément de projets à venir, je pense que j'en oublie, d'ailleurs. Mm. On verra bien ce que tout ça rend, on verra bien si tout ça se fait. À mon avis, on en oublie, parce qu'il y a même sans doute des projets de série. Oui, les aussi, bah, notamment l'Outsider qui doit se faire en série, voilà. Et notamment la saison 2 de Castle Rock qui serait un préquel à Missouri. Ouais, la saison 2 de Castle Rock. Un préquel à Missouri, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Faudrait déjà que je vois la saison 1 de Castle Rock. Je fais moyennement confiance à J.J. Abrams sur ce genre de truc, on va dire. Mais on diverge. Voilà, j'espère... Ouais, on se finit là-dessus, c'est formidable. C'est formidable, change rien, Chris. Donc on en a fini avec Carrie, voyez le film, lisez le roman. Surtout. Le prochain épisode sera lui consacré à Salem. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, donc @cinémarchiviste pour moi, @augrèsdesbulles pour Chris. C'est ça. Nous avons aussi un Discord Gamers Bizarre Adventure, à la fois pour ce podcast et pour les différents autres podcasts auxquels nous participons. Donc Cas sur Table et La Guerre des Claps. Oui. Et effectivement aussi pour les live Twitch que je fais avec Florian. Et pour ma part, l'archiviste du cinéma est aussi disponible sur Facebook et j'ai une chaîne YouTube avec des émissions de cinéma très différentes. Voilà. On en produit des saloperies quand même. Hein. On en produit des saloperies. C'est surtout du cinéma asiatique sur ma chaîne YouTube. Encore plus de saloperies. Merci. Je sais que tu m'aimes. Mais oui, je t'aime. Et nous donnons l'adresse du Discord, bien entendu, dans la description de ce podcast. Et surtout, rappelez-vous, le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À très bientôt.